soir à la peine. Chaque CD la même rengaine, à chaque couplet sa part de haine. Et quand je rappe sur autre chose, ça le fait pas. À côté de la plaque à chaque fois, j'ai voulu faire autre chose que ce que je sais faire à chaque fois. J'ai voulu faire ce que les gens aiment, à croire que je suis destiné à produire du rap vulgaire. On me dit trop dur dans le texte, on me qualifie de cinglé. Mais avec déjà mort comme production, à quoi ils s'attendaient? J'rappe pas d'amour ni de fiesta, ici y'a pas de lève tes bras, balance-toi. Je leur dirai de mettre leurs bras en l'air quand je les menacerai d'une arme. Et que je leur dirai donner les billets, y'aura pas de drame. Mes écrits seront toujours orientés violence, sexe et argent. Aucune chance pour que je m'arrange même avec le temps. Ma musique a le goût du béton et certains disent c'est navrant. Navré ils pourront l'être avec les genoux dans le ciment. Inclassable, mon son, mon style. Différent de Paris, différent de Marseille. Je suis un gars du sud, un gars d'ici. Tu vois petit on n'est pas pareil. Je rappe avec la haine, c'est cette vie qui nous blesse. Inclassable, mon son, mon style. Différent de Paris, différent de Marseille. Je suis un gars du sud, un gars d'ici. Tu vois petit on n'est pas pareil. Je rappe avec la haine, c'est cette vie qui nous blesse. C'est pas parce que j'ai fait un featuring avec ton sahab que je suis ton pote, mec, je veux même pas te connaître. J'ai entendu un t'es couplé sur cassette. J'aime pas ton son, pour toi c'est sûrement réciproque. Tu vois, je pense pas qu'on puisse entendre, c'était déjà comme ça à l'époque. J'ai un produit à vendre, dégage avec ton hip-hop. Ça fait un bail qu'on a passé le cap et qu'on avance en ces merdes qui croient contrôler le rap. De toute façon, on est trop dans le travail, je suis pro. Pas de prophète dans cette musique, que des opportunistes qui se disent puristes. Des manches-culs qui profitent et suivent la tendance. Ne crée rien, se contente de copier bêtement. Vous savez pas qui fait le premier, déjà mort tout le monde a dit trop bâtard. Je sors le pavé dans la marée, on me dit trop hardcore. Bouchette chelou en fait, c'était grillé depuis le départ. Mon sort pour vos oreilles, c'est comme donner du lard à un porc. Et vu que j'en mange pas ta connard, je vous laisse ma part. Inclassable, mon son, mon style. Différent de Paris, différent de Marseille. Je suis un gars du sud, un gars d'ici. Tu vois petit, on n'est pas pareil. Je rappe avec la haine, c'est cette vie qui nous blesse. Inclassable, mon son, mon style. Différent de Paris, différent de Marseille. Je suis un gars du sud, un gars d'ici. Tu vois petit, on n'est pas pareil. Je rappe avec la haine, c'est cette vie qui nous blesse. Hostile dans mes rimes, je cherche pas à me faire des amis. Un peu de frime, vas-y fume, très peu m'apprécie. Que le diable les prenne et que dans la fosse les bâtards se précipitent. Les merdes s'en mêlent et restent à la traîne, pour eux je vais trop vite. C'est du hardcore, c'est du béton, dur comme quand j'ai la trique. Je suis à contre-sens de ce mouvement à chaque titre. Je rappe pour les façades, les laveurs de vitres, les poseurs de briques. Ceux qui dans le chantier se niquent les reins, attends la suite. Je rappe aussi pour ceux qui tuent le temps, joint à la main. Qui disent on verra demain, on verra ça plus tard cousin. Je rappe pour mes sables, pour qu'ils se marrent en écoutant mes disques. Et pour tous ceux qui ne m'aiment pas, comment ils sachent combien je les nique. Inclassable, mon son, mon style. Différent de Paris, différent de Marseille. Je suis un gars du sud, un gars d'ici. Tu vois petit, on n'est pas pareil. Je rappe avec la haine, c'est cette vie qui nous blesse. Inclassable, mon son, mon style. Différent de Paris, différent de Marseille. Je suis un gars du sud, un gars d'ici. Tu vois petit, on n'est pas pareil. Je rappe avec la haine, c'est cette vie qui nous blesse. Inclassable, mon son, mon style. Différent de Paris, différent de Marseille. Je suis un gars du sud, un gars d'ici. Tu vois petit, on n'est pas pareil. Je rappe avec la haine, c'est cette vie qui nous blesse. Inclassable, mon son, mon style. Différent de Paris, différent de Marseille. Je suis un gars du sud, un gars d'ici. Tu vois petit, on n'est pas pareil. Je rappe avec la haine, c'est cette vie qui nous blesse.